Là, je le relance. J'ai retrouvé des paroles. J'espérais bien pleurer, mais je croyais souffrir. En osant te revoir, place à jamais sacrée. Oh, la plus chère tombe et la plus ignorée. Où dort ma souvenir? Que redoutiez-vous donc de cette solitude? Pourquoi mes amis, me preniez-vous la main? Alors qu'une si douce et si vieille habitude me montrait le chemin. Et voilà ces coteaux, ces bruyères fleuries. Et ces pas argentins sur le sable muet. Ces sentiers amoureux remplis de causeries. Où son bras m'enlacé. Et voilà ces sapins à la sombre verdure. Des gorges profondes aux nonchalants détours. Ces sauvages amis dont l'antique murmure a bercé mes beaux jours. Allez, laissez-les couler, elles me sont bien chères. Ces larmes que soulève un cœur encore blessé. Ne les essuyez pas, laissez sur mes paupières ce voile du passé. Je ne viens point jeter un regret inutile dans l'écho de ces voix témoins de mon bonheur. J'irai cette forêt dans sa beauté tranquille et fier aussi mon cœur. route à travers ces ombrages. Ton regard tremble encore, belle reine des nuits. Et du sombre horizon, déjà tu te dégages. Et tu t'épanouis. Ainsi de cette terre humide encore de pluie sortent sous tes rayons tous les parfums du jour. Aussi calme, aussi pur de mon âme attendrie sort mon ancien amour. C'était un texte, je sais pas qui, mais il est long, dis donc. Wow. Oh, ce texte. C'est un texte énorme. Attends. Wow, toutes les strophes. Alfred de Musset. C'est un texte Alfred de Musset, je sais pas si tu connais. C'est énorme. Tu peux en faire des tonnes et des tonnes. J'entends plus la guitare là. Pourquoi j'arrive pas? Non, j'enregistre le truc. Ah oui, ah, d'accord, j'ai compris pourquoi. Girl, the best of book for my high. It was just written on the bottom. It was took up a bit. Thank you. Ouais, je vais faire un autre truc, attends. Je vais tester un truc, après je dois partir. Attends. Je vais tester un truc. Ah, merde, c'est bloqué. Attends. Je teste un truc, hein. C'était en...